Le porte-parole du département de la politique du Comité pour la réunification pacifique de la patrie de la République populaire démocratique de Corée a publié le 27 une communication pour critiquer l'extrême frénésie de confrontation du traître Fang Yuan, président sud-coréen par intérim. Il a dit « Il y a quelques jours, le traître qui doit bientôt quitter son poste a convoqué une réunion des ministres et y a péroré que le Nord peut lancer des provocations comme le 6e essai nucléaire à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de l'armée populaire. Qu'au cas d'une provocation insensée, le Nord fera face à une mesure plus puissante qu'auparavant et qu'il faut être fin prêt sur le plan militaire. » Il a prétendu encore qu'on discute sérieusement avec les États-Unis au sujet de la provocation du Nord et qu'on va jeter une base pour la solution fondamentale du problème nucléaire du Nord à travers les efforts diplomatiques avec le pays voisin. Et le 26, aux exercices d'extermination conjoints par la puissance de feu 2017, livrés en hâte par les fanas de guerre américains et sud-coréens, apeurés par la démonstration des frappes, à dire absurdement que c'est la manifestation de la puissance et qu'on a montré la forte capacité de riposte et d'extermination. Au moment où même les États-Unis, leurs suzerains, s'affairent à introduire leurs biens stratégiques, bouleversés par notre capacité d'attaque nucléaire de plus en plus puissante, il est vraiment ridicule que les fantoches parlent d'une certaine riposte. La témérité de Fang Yuan est l'expression de l'angoisse des survivants de la bande des conservateurs de plus en plus isolés et rejetés, et ce n'est qu'une tentative sournoise d'alerter sur la crise de la sécurité à la veille des présidentielles pour rassembler les forces conservatrices. Même si Fang Yuan, qui est au dernier jour de son mandat, lance des propos pour susciter la confrontation, c'est le cri de détresse et personne n'y prête l'oreille. Si les fantoches osent provoquer insensément en comptant sur les États-Unis acculés dans l'impasse, ils seront exterminés jusqu'au dernier par l'offensive impitoyable de notre armée populaire. Le traître doit savoir cela correctement.